Qu'y avait-il là-dedans? Et qu'est-ce que cela voulait dire? Quel péril qu'un tel triomphe! Mais comment ne pas s'y jeter à tête perdue? Quoi? Cette femme, la sirène, l'apparition, la lady, la spectatrice de l'ange visionnaire, la ténébreuse éclatante! Car c'était elle, c'était bien elle. Gwynplaine était bouleversé. La faute, obstinée à s'offrir, prenait forme. Le lendemain, minuit, le pont de Londres. Le page, irait-il? Oui, criait la chair. Non, criait l'âme. Fièvre fatale. De cette femme, il ne voyait que la grandeur. Près d'eux, je t'aime, il n'apercevait pas ce correctif effrayant. Je veux de toi. Le côté bestial de la déesse lui échappait. Il pouvait être 2 heures du matin. Il mit la lettre apportée par le page dans sa poche et se glissa dans l'ancienne cahute qui lui servait de chambre, regarda Russus qui dormait, souffla sa chandelle et ne se coucha pas. 1 heure passa ainsi. L'insomnie est un sévice de la nuit sur l'homme. Que faire? Le jour vint. Gwynplaine était en proie à la tourmente. Au plus fort de cette angoisse, les paupières toujours fermées, il entendit une voix exquise qui disait « Est-ce que tu dors, Gwynplaine ?» Il ouvrit les yeux en sursaut et se leva sur son séant. La porte de la cahute vestiaire était entr'ouverte. Dea apparaissait dans l'entrebâillement. Elle avait dans les yeux et sur les lèvres son ineffable sourire. Elle se dressait, charmante, dans la sérénité inconsciente de son rayonnement. Il y eut une sorte de minute sacrée. Gwynplaine la contempla, tressaillant, ébloui, réveillé. Réveillé de quoi? Du sommeil? Non, de l'insomnie. C'était elle, c'était Théa. Et tout en coup, il sentit au plus profond de son être l'indéfinissable évanouissement de la tempête et la sublime descente du bien sur le mal. Comme c'est simple, un miracle, Théa n'avait qu'à se montrer. Toute la lumière qui était en Gwynplaine sortait et allait à elle. Et il n'y avait plus derrière Gwynplaine, ébloui, qu'une fuite de fantômes. Quelques instants après, tous deux étaient assis, l'un devant l'autre. Leurs genoux se touchaient. Gwynplaine versait le thé à Dea. Dea soufflait gracieusement sur sa tasse. Tout à coup, elle éternua. Il y avait en ce moment-là, au-dessus de la flamme de la lampe, une fumée qui se dissipait et quelque chose comme du papier qui tombait en cendres. Gwynplaine venait de brûler la lettre de la duchesse.